As I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. 7 Satan, Arcturus, DBC, Ethan, Intruder, Assassin, My Dying Bride, and more! Salut, Sylvain Latour, ici à la barre de Subversion, le Metal Show, édition du 16 octobre 2015. Je serai avec vous pour la prochaine heure, c'est-à-dire jusqu'à 19h30 et jusqu'à 10h PM pour ceux qui nous écoutent le mercredi soir en reprise, bien entendu sur Underground Québec. Alors, merci d'être au rendez-vous encore une fois et on aura des nouveautés dans cette émission. Des Britanniques de Satan, des Californiens de Masters of Metal et des Norvégiens de Arcturus. Donc d'ici là, on aura d'autres bonnes pièces. Donc dans ce premier bloc, on aura Assassin, Intruder, mais d'abord Venom, une version démo d'une pièce que l'on se souviendra de l'album Welcome to Hell. C'est un démo qui a été enregistré en avril 1980, alors que le band était un quatuor, en fait, évidemment avec Kronos, Venom et Abaddon, mais aussi avec un certain Jesus Christ au vocal, de son vrai nom Cliff Archer, qu'on n'a plus jamais entendu parler après, parce que le groupe, entre-temps, après le démo, ont décidé qu'ils préféraient évidemment le style vocal de Kronos, donc Jesus Christ a été tout simplement exécuté, pour ne pas dire catapulté d'une autre dimension, on n'a plus jamais entendu parler. Donc, de ce démo qui a été enregistré pour la modique somme de 0$ en passant, résultat étonnant quand même, j'aime bien cette version de Angel Dust. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec. Yeah. êtes sous l'emprise de Subversion sur Underground Québec Radio. Assassin de Düsseldorf, ces Allemands de Assassin, A Message to Survive, peut-être la pièce la plus extrême de cet album Interstellar Experience de 1988, définitivement un album à redécouvrir pour ceux qui apprécient le thrash de cette époque, définitivement supérieur à The Upcoming Terror paru précédemment. Avant ça, on avait eu Intruder de Nashville, Tennessee, avec Kiss of Death. C'est paru sur le EP Escape from Pain sur Metal Blade en 1990. Et en ouverture, on avait eu Venom avec Angel Dust, une version démo du démo Demon de 1980. Prochain bloc des nouveautés de Arcturus qui reviennent en force avec leur nouveau Arcturian. Et aussi Masters of Metal. Les anciens Agent Steel avec en tête Juan Garcia. Mais d'abord Satan, qui n'ont pas raté leur retour avec justement le précédent Life Sentence paru en 2013. Et les tournées s'en sont suivies. Ceux qui ont eu la chance de pouvoir les voir dans leur parcours ont dû tous être très étonnés. Une véritable leçon de métal servie par ces vétérans, tous des membres originaux d'ailleurs qui sont dans le groupe, Et puis, ils nous reviennent avec un nouvel album intitulé Atom by Atom, enregistré à Newcastle, Angleterre, et mixé, masterisé en Italie, comme le précédent, avec le même type, nommé Dario, qui a travaillé sur Life Sentence, évidemment, et le blogueur Guillaume Gagnon, alias Sinistros, notre ami Sinistros, l'a déjà qualifié comme possible album de l'année 2015 pour lui. Alors, c'est légende du New Wave of British Heavy Metal. Nous étonne encore une fois avec ce nouvel album et j'ai choisi la pièce qui clôture le disque. The Fall of Persephone. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. Le concepteur du message subliminal est parfaitement conscient de l'objectif qu'il veut atteindre, à savoir une révolution en profondeur capable de toutes les subversions. Excellent Arcturus avec Angst, une des très bonnes pièces de leur tout nouveau Arcturian. Et on peut constater que le batteur L. Hammer est toujours aussi proactif dans le mix, tout comme son claviériste d'ailleurs. Arcturus font de la musique complexe et cet album n'en fait pas exception. Il va demander plusieurs écoutes peut-être pour certains auditeurs. afin de comprendre son instrumentation et assimiler ses atmosphères. On est un peu entre The Sham Mirrors, paru au début 2000, et le Sideshow Symphonies, qui se trouve être leur dernier album que j'avais moins apprécié par contre que son prédécesseur, pour le disco musical du moins. Et les cotes pour le nouvel album, ça varie entre 7 et 9,5 en frais de critique. Et Wiese Verde, le clavieriste, toujours en épaisseur dans le mix. C'est une bonne chose, mais il arrive que les guitares aient tendance à être un peu diluées, voire même étouffées dans l'ensemble. Un peu comme Rush quand ils sont arrivés avec les albums après Signals, les Power Windows, les Grace Under Pressure. La guitare d'Alex Lifeson était de plus en plus enterrée par les claviers. Mais c'est pas le cas de toutes les pièces si heureusement. Et tout de même, malgré le fait qu'on nous catapulte dans un vortex vers l'an 2200, on sent qu'on veut tout de même garder un lien, un certain lien avec le passé. Donc, c'est une bonne chose et ça manque pas d'audace, vraiment, le nouveau Arcturus. Je vous invite à prendre le temps de l'écouter pour bien le découvrir. Avant, dans le bloc, on avait eu Masters of Metal, les anciens Agent Steel, avec Juan Garcia et Bernie Versailles, entre autres. La pièce s'appelait Supremacy, et ça provenait de l'album From Worlds Beyond, paru en 2015. Et en début de bloc, c'était Satan avec The Fall of Persephone de Atom by Atom, paru aussi cette année. S'il s'en vient, c'est DBC. Qui se produisent aux catacombes là, ce soir même, ici même à Montréal. Mais avant, Eton, avec une version démo, en fait, d'une pièce qui a paru sur l'album Victims of Deception. En fait, cette démo avait servi un peu de pré-production pour l'album en question. Et le vocaliste David Godfrey avait été remplacé par nul autre que Paul Baloff, l'ancien Exodus, l'illustre Paul Baloff. Décédé en 2002. D'ailleurs, il aurait eu 55 ans cette année. Mais la présence de Paul Baloff, évidemment, avec Eton, ben, c'est seulement sur ce démo. J'avais choisi cette version-là justement parce que je trouvais ça spécial d'entendre Paul avec ce band que j'ai beaucoup aimé à la fin des années 80. Eton, avec cette pièce que voici. Mercy is no virtue. Vous écoutez Subversion, le Metal Show. We'll be right back. isn't an issue at all. The PMRC has created a lot of confusion with improper comparisons between song lyrics, videos, record packaging, radio broadcasting, and live performances. These are all different mediums, and the people who work in them have a right to conduct their business without trade restraining legislation whipped up like an instant pudding by the wives of Big Brother. Jacko Jesus avec Respect the Fist Bitch, paru en 2006 sur l'album Receptive When Beaten. C'était précédé de DBC avec Negative Reinforcement de 87. C'était, ça provenait de l'album Dead Brain Cells. Et au début du bloc, Eaton avec une version démo de Mercy Is No Virtue en 88 avec Paul Baloff, ex-Exodus, comme vocaliste. On va finir l'émission avec du My Dying Bride, et, mais aussi les Finlandais d'Insomnium en demande spéciale pour ma copine Annie. Mais avant, quelques nouvelles. Subversion Metal News. La formation montréalaise Vanta Black Warship, qui avait lancé un EP en septembre dernier, ont annoncé que leur album sera dorénavant disponible sur iTunes et aussi sur Bandcamp. Les vétérans anglais Paradise Lost, qui n'avaient déjà servi de Plague Within cette année, reviennent déjà en novembre avec un album live qui s'intitulera Symphony of the Lost, enregistré en Bulgarie, avec orchestre et chorale. Les Norvégiens de Boknagar ont prévu pour janvier 2016 un album qui s'intitulera Winter Trice. Lockup, qui comprend toujours Shane Embury et Nick Barker, ont intégré pour la première fois le vocaliste Kevin Sharp de Brutal Truth pour un premier album en 5 ans, prévu le 1er novembre prochain. Les Finlandais Winter Sun sont déjà en studio pour l'enregistrement de l'album Time 2. Le duo de guitaristes des beaux jours de Merciful Fate, Michael Denner et Hank Sherman, ont lancé le 2 octobre dernier le EP Satan's Tomb sur Metal Blade Records. Une formation britannique que j'ai surnommée The Kings of Headbanging Sadness, et avec raison, All Sweats Away de 1996, ça provenait de l'album Like Gods of the Sun. C'était précédé d'Insomnium, une demande spéciale pour ma blonde Annie, qui est une grande fan. C'était la pièce titre de leur EP 2013, Ephemeral. Je dois dire que c'est une expérience fort intéressante de voir Insomnium, particulièrement dû à la dynamique entre la foule et le band. Expérience que j'ai appréciée vraiment au EV Montréal et aussi au Fofone Électrique plus tôt cette année. Donc c'est déjà tout pour moi. Je dois vous laisser. avec le Mel Rock Show pour les amateurs de rock. Et je vous rappelle que DBC est en concert ce soir au Catacombes avec Kill of Rights, Mutank et band que je suis pas capable de lire le nom. 20h ce soir, et on devrait avoir une entrevue la semaine prochaine. Et aussi peut-être avec Anger Prophets de Granby. Page Facebook, Subversion Metal Show, n'oubliez pas. Les balados de diffusion sur SoundCloud. Et je vous dis à la semaine prochaine. Spread the word. Subversion, plus de musique subversive la semaine prochaine.